partir pour fuir devant la vie tordue. Je ne peux plus le dire, je suis un peu repu. Tout est glauque quand je suis seul derrière ta porte. Appelé en désir, je me sens plus trop près. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Un chat noir passe devant toi. La vie en rouge.